sacoche, ça prend sur le deck. Elle va là-bas, j'ai un gros bander de check. RS4 Drake, et puis sur terre la tête sur un mec. Elle est belle ta patek, mais tu vas pas mourir avec. Ils ont dit des choses sur moi, ouais c'est pas bien mais j'm'en balec. Ça fait les buts avec ses potes, après ça gonfle les pecs. On a tous des projets, on veut toute la villa. Investir dans la pierre ou dans des vignobles. Mais mon sang il s'en branle, ouais que il se met minable. Et quand il est trop bleu, il se prend pour un pilote. On se voit nous deux si on s'entend pas, pa pa pa pa. J'en ai vu rejoindre les yeux à cause des pa pa pa pa pa. Le soleil se couche, j'pense à maman, j'pense à papa. J'espère que ça parle pas mal quand on s'en va, va, va, va, va. Faut plus qu'on se voit nous deux si on s'entend pas, pa, pa, pa, pa. J'en ai vu rejoindre les yeux à cause des pa, pa, pa, pa, pa. Le soleil se couche, j'pense à maman, j'pense à papa. J'espère que ça parle pas mal quand on s'en va, va, va, va, va. All the things they be talking about when I do is in equivalent the truth. All of the dirt you throw, I dey grow flowers, cannabis, that device my roots. All of the effort I make, I dey guess, I dey enjoy, lies, heaven is my proof. All of the mess I dey make as I find my way to escape. All the doom, doom, doom. Doom, doom, doom, doom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. God knows I have tried with you. My singles don't hurt bulletproof. Oh, oh, my feelings deep down in my spirit. Things I wish for my siblings. Don't know if they wish me. It puts me in my feelings. Qu'on se voit nous deux si on s'entend pas, pa pa pa pa. J'en ai vu rejoindre les yeux à cause des pa pa pa pa. Le soleil se couche, j'pense à maman, j'pense à papa. J'espère que ça parle pas mal quand on s'en va, va va va va. Faut plus qu'on se voit nous deux si on s'entend pas, pa pa pa pa. J'en ai vu rejoindre les yeux à cause des pa pa pa pa. Le soleil se couche, j'pense à maman, j'pense à papa. J'espère que ça parle.